il est tué dans le Sénat. Lorsqu'il s'assit, les conjurés l'entourèrent sous prétexte de lui rendre leur devoir. Tout à coup, Tilius Simber, qui était chargé du premier rôle, s'approcha davantage comme pour lui demander une faveur. Et César, se refusant à l'entendre et lui faisant signe de remettre sa demande à un autre temps, il le saisit, par la toge aux deux épaules. « C'est là de la violence !» s'écrie César. Et dans le moment même, l'un des cascas, auquel il tournait le dos, le blesse un peu au-dessous de la gorge. César, saisissant le bras qui l'a frappé, le perce de son poinçon. Puis il veut s'élancer. Mais une autre blessure l'arrête, et il voit bientôt des poignards levés sur lui de tous côtés. Alors il s'enveloppe la tête de sa toge, et de la main gauche, il en abaisse en même temps un des pans sur ses jambes, afin de tomber plus décemment, la partie inférieure de son corps étant ainsi couverte. Il fut ainsi percé de 23 coups. Au premier seulement, il poussa un gémissement sans dire une parole. Toutefois, quelques écrivains rapportent que, voyant s'avancer contre lui Marcus Brutus, il dit en grec « Et toi aussi, mon fils !» Quand il fut mort, tout le monde s'enfuit, et il resta quelque temps étendu par terre. Enfin, trois esclaves le rapportèrent chez lui sur une litière, d'où pendait un de ses bras. De tant de blessures, il n'y avait de mortel au jugement du médecin Antistius que la seconde, qui lui avait été faite à la poitrine. L'intention des conjurés était de traîner son cadavre dans le Tibre, de confisquer ses biens et d'annuler ses actes. Mais la crainte qu'ils eurent du consul Marc-Antoine et de Lépide, maître de la cavalerie, les fit renoncer à ce dessein.